Hélène, tu reviens aujourd'hui et t'arrives juste à midi. Toi qui étais si lointaine, toi qui étais si lointaine, si lointaine. Hélène, tu es restée la même, même yeux et même problème. Tu es belle comme une reine, tu es belle comme une reine. Souffert. Si j'étais ton enfer, je voudrais que tu comprennes. Je voudrais que tu comprennes. Que tu comprennes. Que moi, je suis là. Attends. Qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Hélène, c'était peut-être difficile. J'étais peut-être fragile. Et tu le disais toi-même. Tu le disais toi-même. Toi-même. Hélène, les non-réponses à mes lettres ont remplacé les peut-être. Et cette horloge qui me freine. Horloge qui me freine, qui me freine. Hélène, je vais te faire de la peine. Tant pis, j'essaye quand même. Mais aujourd'hui tu me gênes. Aujourd'hui tu me gênes. Car moi, je suis là.